Lévi, un médecin en quelques minutes. Moi c'est Léa, j'ai 27 ans et j'habite à côté de Lyon. J'ai consulté un médecin sur Lévi vendredi dernier vers 20h parce que j'avais des frissons, des courbatures et des maux de tête. Et à cette heure-ci, le cabinet auquel je me rends d'habitude n'était pas ouvert, donc j'ai essayé Lévi. Il s'agit de téléconsultation médicale directement sur son téléphone. J'ai attendu moins de 10 minutes. J'ai été très surprise par la disponibilité et l'écoute du médecin et à la fin de la consultation, j'ai reçu une ordonnance avec le bon traitement. Et en quelques jours, ça allait mieux. Lévi, un médecin en quelques minutes. Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Yvonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, vieillesse et dépendance, la vie sous contrainte. Une série de Jérôme Sandlars réalisée par Anne Fleury. Au départ de cette série, il y a le confinement et le Covid qui ont obligé les regards à se tourner vers les EHPAD, ceux qui y travaillent mais aussi et surtout ceux qui y résident. Alors on a eu envie de passer une journée avec eux. Alors pour commencer, les personnages. Une dame qui n'a pas le choix, un ancien peintre, une directrice qui débute, une dame qui attend, des lingères au travail, une femme qui veut de la gentillesse, une aide-soignante dévouée, une femme apaisée et un kiné observateur. Ensuite, le décor. 80 lits, une charte, des choix, un beau petit lapin, des chambres, des draps, des allocations, un jardin, des chansons, la fatigue, les soins, un café, des masques et des distances. Aujourd'hui, deuxième épisode, une rencontre. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va ? Ça va, merci. Vous n'allez pas avoir froid comme ça, non ? Ça va ? Non, je ne suis pas frileuse, moi. Où est-ce que vous allez comme ça ? Au marché, je vais chercher mon bouquet de fleurs. Tous les vendredis, je m'achète mon bouquet de fleurs. Ah oui, c'est important. Ça égaye la chambre. Ça fait longtemps que vous résidez ici ? Ça fait 5 ans. Mais j'en ai marre. J'ai du mal à accepter la retraite. J'étais pompier. Et j'ai du mal à accepter de rester à rien faire. C'est vous qui avez choisi de venir ici ? Non, parce que c'est une question médicale. Question de diabète, que je ne pouvais plus rester toute seule, parce que je fais des comas diabétiques. Et donc, je tombe. On n'a pas le choix. Alors là, on se trouve juste devant la maison de retraite publique Lumière d'automne, à Saint-Ouen, en banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis. Et sur le fronton, il est inscrit 1888-1895. Il y a un petit perron avec 3-4 marches, un auvent avant d'entrer dans l'établissement, une cour pavée. Et puis ici, il y a à peu près une soixantaine de résidents pour 80 lits. C'est une petite maison de retraite, un petit EHPAD. Maison de retraite Lumière d'automne, bonjour. À l'automne de la vie, oui. Une journée dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, mais bien vivantes. Vous allez bien ? Vous avez du soleil au Portugal ? 34, ah ben non, nous à Paris on est bien, il fait beau. Oui, il fait moins chaud, on est bien. Mais écoutez, portez-vous bien, je vous passe votre maman. Merci, au revoir, à bientôt. Voilà. Alors quand on rentre, il y a l'accueil qui est juste sur la droite. Bonjour madame, comment vous appelez ? Michel. Sur la gauche, il y a des photos et il y a marqué « Liste des résidents pouvant sortir seuls » et juste en dessous « Résidents ayant un risque inopiné de sortie ». C'est-à-dire qu'il y en a qu'il faut surveiller, si je comprends bien. Bien sûr, parce que nous avons une population qui est différente. Il y a des gens qui peuvent sortir qui sont conscients, d'autres personnes qui sont des maladies psychologiques. Et il y a certains moments, il ne faut pas les laisser sortir tout seuls. Et ça vous plaît de travailler en EHPAD ? Oui, tout à fait. En fait, je suis commerciale de formation et j'aurais jamais pensé travailler en EHPAD. Donc quand j'ai voulu changer de... J'étais dans le funéraire. Ben oui, j'ai préféré travailler avec les vivants. Et donc, oui, ça me plaît beaucoup parce que le métier est vraiment très varié. Beaucoup d'administratifs, d'accord, mais il y a beaucoup de relationnels avec le personnel, les familles, les résidents. Donc, il y a beaucoup de liens sociaux. Et en fait, on fait office aussi quelquefois de psychologue. Donc, c'est très bien. J'aime beaucoup. Et puis, accroché au mur, il y a la charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante qui est affichée. Lorsqu'il sera admis par tous que les personnes âgées dépendantes ont droit au respect absolu de leur liberté d'adulte et de leur dignité d'être humain, cette charte sera appliquée dans son esprit. Article 1, choix de vie, toute personne âgée dépendante garde la liberté de choisir son mode de vie. Article 2, domicile et environnement, le lieu de vie de la personne âgée dépendante, domicile personnel ou établissement, doit être choisi par elle et adapté à ses besoins. Toute personne âgée dépendante doit conserver la liberté de communiquer, de se déplacer et de participer à la vie de la société. Toute personne âgée dépendante doit pouvoir garder la maîtrise de son patrimoine et de ses revenus disponibles. Il y a un résident qui entre. Qui a dû aller boire son petit café, puisqu'il est environ 9h du matin. Enfin, vous arrivez d'où, comme ça? De dehors, j'étais faire mes courses. Vous avez quel âge? Moi, 61 ans. Et auparavant, vous viviez où, alors? Dans un appartement? Avant, j'étais en appartement, à Livry-Argan. Mon métier, c'est peintre en bâtiment. Puis après, j'ai divorcé, et puis après, bon, ben, voilà, quoi. Est-ce que vous avez réussi à vous reconstituer un chez-vous, ici? Ah bah moi, oui. Moi, je suis en haut, je suis au deuxième étage. Vous voulez voir? Venez, c'est gratos, profitez-en. Oh non, mais attendez, il prend son temps, lui. L'ascenseur? Oh, puis moi, j'ai demandé à retravailler, mais on m'a dit non, on peut pas, vous pouvez plus retravailler à votre âge. Et attendez, j'ai commencé, j'avais 12 ans et demi quand j'ai commencé à travailler, ouais. C'était ça ou la maison de correction, alors, jusqu'à la majorité. Pourquoi vous étiez turbulent? J'avais cambriolé mon voisin, alors. Alors, c'est un long couloir au mur ocre, vert et jaune. Il y a des fleurs au mur, il y a des petits tableaux, il y a des jonquilles. C'est jaune de chrome. Mais on voit que c'est un peintre qui me parle, c'est un connaisseur. Et donc votre prénom c'est Alain, parce qu'il y a tous les noms et les prénoms sur les portes. Voilà. Alors c'est une petite chambre, vous diriez quoi, de 8-9 mètres carrés, non, combien? Oui, à peu près, ouais. Mais ça me suffit. Hein. Parce que ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai été opéré il y a 10 ans, au lieu de me retirer la hanche droite, ils m'ont retiré la hanche gauche. C'est une blague? Ah non, c'est pas une blague. Après l'opération, comme l'hôtel où c'est que j'étais, eux ils sont partis à la retraite. Ben, on m'a mis ici, comme j'étais sous tutelle, parce que c'était une époque où c'est que j'aimais bien la teutote, comme on dit. Buviez, quoi. Bref, je me désaltérais, comme on dit. Et puis, bon, ben, depuis, bon, ben, je suis là, et puis, m'entends à peu près avec tout le monde, quoi. Puis, moi, comme je dis, chacun chez soi. Bon, il y en a qui sont plus ou moins désaxés là-dedans. Il y a une vieille qui elle cherche ses enfants depuis... Ça fait 20 ans qu'elle n'a pas vu ses enfants. Elle cherche tous les jours. Elle vient me voir. Vous n'avez pas vu mon... Je dis, non, je ne le connais pas, moi. Et puis, voilà, quoi. Mais... C'est vous qui financez votre chambre ici, ou non, comment ça se passe? Je suis sous curatelle. Je suis tutelle ou curatelle, je ne sais pas comment on dit. J'ai 40 ou 60 euros par semaine. D'argent de poche? Oui, bah, moi, ça me suffit, hein. J'ai aucun problème. Vous participez aux activités? Ah oui, quand il y a des jeux ou des trucs comme ça, j'aime bien, moi. Qu'est-ce qu'on vous propose? Oh ben, l'autre fois, c'était ni oui ni non, là, je sais pas quoi, là, ce qu'ils avaient fait, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre. Je sors de toute manière, je sors quand je veux. C'est l'autre fois, il y en a une qui m'a dit, vous n'avez pas le droit de sortir. Alors moi, j'ai dit gentiment, j'ai dit, vous êtes qui? Vous n'êtes pas de ma famille, vous n'êtes pas ma mère, vous n'êtes rien. Je sors et je rentre quand je veux. Elle me dit, on en reparlera. Ben, je vous pourrais parler avec le peuple, avec qui vous voulez. Moi, je vous dis, quand je sors, et c'est tout. Depuis, bon, voilà, voilà. Je m'ouvre la porte, et puis voilà. Vous avez des visites, parfois? Ah non, moi, j'ai plus de famille, moi. Moi, mon frère est mort en moto, à l'accident de moto, ma sœur a été assassinée, elle avait 19 ans. Ma mère, elle est morte, elle est rentrée du travail, et puis elle s'est allongée, pof, terminé, le jour de son anniversaire. Et puis mon père, il est mort en maison de retraite. Et puis voilà, quoi. Puis moi, je devais mourir à la naissance. Et puis, je suis encore là. Hein. Mais bon, bah, c'est le truc. Hein. Enfin, voilà, je vis là. Merci, Alain. Il n'y a pas de quoi. Et bonne journée. Ouais. On va essayer hein, de tenir jusqu'à demain matin. Il hein. Y a intérêt. Fernande. Hein ma voisine. Ah, le petit lapin. Oh, ben, faut toujours qu'elle aille voir le petit lapin. Le petit lapin. Hein on va toujours le voir. Il est là-bas. Il est là-bas. Ah, vous allez voir le petit lapin, moi. Oh, il est beau. Il a un poil d'une couleur. J'allais voir le petit lapin. Oh, il est beau, hein, le petit lapin. Eve Guillaume, alors vous êtes la directrice de Lumière d'automne, de cette EHPAD. Pour vous, quelle est la frontière vraiment entre protéger, sauvegarder le résident, la résidente, et en même temps qu'il soit libre dans l'établissement, qu'il ne se sente pas enfermé ? Enfermé. En fait, on oscille toujours entre cette question de la sécurité vs la liberté, parce que on a des résidents qui effectivement sont autonomes plus ou moins et qui veulent sortir dehors et voilà continuer à avoir leur activité sociale extérieure. Et nous, on connaît les risques par rapport à leur état de santé. Soit le risque que la personne consomme de l'alcool à l'extérieur alors qu'elle est en sevrage alcoolique, que la personne chute à l'extérieur parce qu'on sait qu'elle a des faiblesses musculaires et qu'il y a quand même un risque de chute qui est important, que la personne se perde parce qu'elle est désorientée et qu'elle ne saura pas toujours demander son chemin ou retrouver l'itinéraire de l'EHPAD ou même être en capacité de sortir une petite carte qui dit bien qu'elle est résidente ici. Donc on est toujours un peu en train de jongler avec ça. Moi, je pars du principe qu'un résident qui a ses esprits et est en capacité de décider, s'il souhaite sortir, on doit pouvoir essayer de l'accompagner pour sortir. La psychomotricienne, par exemple, fait des ateliers de repérage du quartier de Saint-Ouen avec les personnes qui peuvent justement avoir des risques de se perdre. Après, la personne qui ne rentre pas un soir parce que elle s'est perdue, parce qu'il y a eu un problème, bon, on a toujours la possibilité de le signaler, de pouvoir nous-mêmes aller faire un tour du quartier, appeler les hôpitaux si possible. Et parfois, il est préférable que la personne sorte plutôt que de la contraindre à rester ici, parce que déjà, éthiquement, c'est compliqué. Et puis, en plus, la personne risque de développer des troubles ou de devenir agressive parce qu'on l'enferme à son insu, ce qui est compréhensible. Parce que, du coup, ça deviendrait presque une privation des droits. Et puis, du coup, le terme de prison peut parfois revenir chez certains résidents sur l'établissement. Ici, Eve Guillaume, vous avez une capacité d'accueil de 80 lits. En ce moment, vous avez à peu près une soixantaine de résidents. Mmh. Quel est le profil des personnes âgées que vous accueillez ici ? Alors, on a le profil des résidents que, moi, je dis classique, c'est-à-dire les personnes âgées de, on va dire, plus de 85 ans, qui ont des polypathologies et de la grande dépendance. Donc, vraiment, la personne très âgée qui ne peut pas rester à domicile. Et puis, on accueille aussi des personnes plus jeunes qui sont souvent entrées parce qu'elles avaient des pathologies psychiatriques, qu'elles étaient déjà suivies pendant une bonne partie de leur vie. Pour des troubles bipolaires, pour de la schizophrénie, et qui du coup rentrent en établissement de manière assez précoce parce que les structures sont pas forcément adaptées dans le monde de la psychiatrie ou du sanitaire, du médico-social, parce qu'il y a un manque de moyens financiers aussi. Et puis on accueille aussi un public très précaire qui a parfois eu un passage de rupture en étant à la rue et qui effectivement à 60 ans n'est plus accepté dans les foyers traditionnels et donc du coup pour qui est faite une demande en EHPAD puisqu'à partir de 60 ans ils ont le droit à l'aide sociale qui prend en charge quasiment la majeure partie du prix de journée de ces résidents. Et ça tient au fait qu'on est en Seine-Saint-Denis, qu'il y a un public aussi peut-être plus précaire. On a presque 80% des personnes accueillies ici qui ont recours à l'aide sociale délivrée par le département. La moyenne en France, elle est plutôt à 30-35%. Le coût moyen mensuel pour un résident, c'est combien ? Alors nous, dans l'établissement, on est à environ 2 500 € par mois. C'est-à-dire que le résident, c'est là où vous allez voir la complexité, paye à la fois un forfait pour la partie hébergement, qui est d'environ 75 € par jour, auquel s'ajoute un forfait pour la dépendance, avec un reste à charge qui est à peu près de 6 € par jour. Donc on est à environ 80 euros par jour, multiplié par 31 jours. Et c'est là où on arrive à la somme de 2500 euros. Avec des aides sociales qui sont différentes. C'est-à-dire que pour aider les résidents à payer la partie hébergement, il faut faire une demande d'aide sociale au département. Et pour avoir des aides pour payer la partie dépendance qui est l'APA, l'aide personnalisée à l'autonomie, là c'est une autre demande qui est à faire aussi au département par le biais des CCAS. Les centres d'action sociale. Centres d'action sociale. Et puis il y a une autre dame là qui est assise. Bonjour. J'attends encore un peu. Et vous attendez quoi? Ben, je sais pas. Oh là là, je n'en peux plus. Pourquoi donc? J'attends un peu, quand ça va sortir là, je rentrerai et je descendrai. J'attendrai pour manger. Faut bien que je passe le temps. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je peux rien faire. Alors, on passe devant la lingerie. Bonjour, mesdames. Qu'est-ce que vous faites, toutes les deux? Alors, Rose, aide-soignante. Fatou, aide-soignante, lumière d'automne Saint-Ouen. On était venu descendre le linge sale des résidents. Et ça fait partie de vos missions, ça, de changer le linge des résidents, ou pas, de refaire les lits, etc.? Ah ça... oui, bien sûr, bien sûr. La prise en soin en maison de retraite, je pense que même à l'hôpital, c'est de s'occuper des malades ou des résidents en fonction de l'établissement. Si il est sale, il est souillé, on le met dans les conteneurs, enfin, là, voilà. Et après, on s'occupe de l'environnement. Et après, les ASH viennent pour les WC et les sols. Bien ASH, sûr. Ça veut dire? Agent de service hospitalier. Vous pouvez nous montrer le jardin? Oui, notre beau jardin. Ah, il fait beau, hein? Ah ouais, il fait magnifique. Le soleil du Sénégal, vous dites? Oh là là, ça fait vous êtes sénégalaise toutes les deux? Oui. Peut-être là? On va se mettre là, ouais. Parce que là-bas, peut-être le bruit, comme il y a les micros. Il y a une petite chose que j'ai remarquée. C'est que lorsqu'on observe le personnel soignant de cette EHPAD, je ne sais pas si c'est représentatif de la plupart des EHPAD ici en France et en Île-de-France, mais vous êtes très nombreuses à être d'origine africaine, maghrébine. Comment ça se fait? Peut-être de par nos origines, nous avons un rapport différent avec la personne âgée. Donc la personne âgée pour nous n'est pas spécialement... Je ne sais pas si le mot est approprié, rebutante entre guillemets, dans la mesure où, chez nous, en Afrique, on vit avec, comme ça se faisait à l'époque, il y a quelques années en France, en Europe d'ailleurs. Au 19e. Voilà, sûrement. Nous vivons avec les personnes âgées. Pour nous, c'est une richesse en fait. Parce que les rares Européens qui sont là-dedans ne restent pas longtemps. Soit cherchent à évoluer ou changent de métier parce que ça reste quand même assez physique. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la plupart des personnes, même âgées, qui ont le choix, restent à domicile. Quand nous, on nous les envoie, c'est qu'ils ils sont plus gérables à domicile. Donc ça veut dire que la maladie a avancé, ou bien la dépendance, elle est là. Pour ceux qui, même quelquefois, qui ont leur tête, mais la dépendance, elle est là. Donc, ça veut dire que nous qui devons les prendre en soin, plus de professionnalisme, plus de formation, etc. Et on vous demande de plus en plus donc, d'être au taquet et le salaire ne suit pas. On peut avoir une petite idée de votre salaire? En moyenne, 1600, 1700 par là. Je pense que la France, parmi les pays entre guillemets développés, fait partie des pays où les soignants sont les moins bien payés. Donc je pense qu'il faut, à la base, il faut revaloriser les salaires, revaloriser même la reconnaissance du métier, voilà. Parce que malgré tout, on a l'impression d'être madame, excusez-moi de l'expression, pipi caca, quoi. Alors qu'on ne fait que pas que ça. On ne fait pas que ça. Il y a un relationnel qui est important. C'est nous qui sommes auprès des résidents. C'est nous qui observons l'évolution de leur état cutané, l'état physique. Même il mange plus, il a fait comme si, il a fait... Et on ne fait pas que ça. Et c'est nous qui remontons les infos. on va y aller parce que là, ouais, les collègues vont nous taper dessus. Il faut, c'est les horaires, hein. Parce qu'en fait la cuisine elle est préparée là, le chariot il monte. Il faut qu'on serve les résidents qui mangent, qu'on débarrasse et qu'on redescende la vaisselle pour que les collègues de rez-de-chaussée. Donc il y a tout un, on est obligé de, désolé. C'est la course. Voilà, tout est tac tac tac tac tac tac. Ben c'est ça. Hein. Tu veux chanter, tu chantes. Qu'est-ce que vous voulez chanter? C'est pour allez-y. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. On passe devant le salon de coiffure. Avec une peinture murale qui représente un salon, la coifferie. Et puis il y a d'autres fresques sur les murs, plat du jour, comme si on avait en fait un trompe-l'œil un peu qui représenterait un restaurant. Cuisine traditionnelle, menu à prix fixe. Il y a un petit côté ancien. C'est bon? C'est du céleri remoulade, bien arrosé, de mayonnaise, et c'est bon. Je vous laisse finir votre bouchée. Faut que ça vale, parce qu'on m'a retiré des dents. Et je reste douloureuse au niveau des gencives. Alors quand je peux avaler, c'est bien. Et quand je ne peux pas, eh bien je ne mange pas. C'est quoi votre prénom? André. André? Oui, André. Mais je mange de la main gauche. C'est pas facile. Qu'est-ce qui vous est arrivé à la main droite? J'ai eu une sclérose en plaque. Plus une AVC ou un AVC2. Et je ne sais plus qui lequel me paralyse du côté droit, la jambe, qui ne me permet pas de marcher, et le bras. Alors mon autonomie est zéro. Et zéro, c'est pas beaucoup. Quand on est jeune, eh bien, on est bien dans sa peau, disons. Quand on est vieux, on n'est plus bien dans sa peau, non. Mais si on a des bons souvenirs, ça aide beaucoup moralement à vivre. Est-ce qu'on se sent un petit peu à part ici en EHPAD? Oui, très à part. On se sent isolé. Donc, il faut trouver l'endroit où vous serez le mieux. Oui, parce qu'en même temps, vous êtes en collectivité ici. Ben oui, on est en collectivité. J'ai une bonne voisine et on parle à chaque fois qu'on se voit. Et bien, c'est plaisant. Parce que à la maison, c'est pas non plus comme ça. Et votre mari, il est resté à votre domicile? Oui. À Saint-Ouen, parce qu'il n'a jamais voulu venir avec moi. Pas parce qu'on est fâché. Il ne se voyait pas en institution. Et je dois dire qu'il n'en avait pas besoin. Il a 92 ans. Et vous? 86 ans. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir retrouvé un petit peu d'intimité ici? Non, parce qu'on est obligé d'avoir recours aux autres. Et les autres, c'est pas toujours les mêmes. Moi, le matin, quand je me réveille, j'aime bien voir des gens que je connais. Au niveau de la manipulation des corps et des toilettes et des... Quand je les accepte, ça va et je ne me redis pas, je suis bien. Mais quand elles sont par exemple un peu brusques, il faut qu'on soit gentil avec moi. Et alors au plafond de la salle de restauration, il y a des ballons d'un peu toutes les couleurs, bleu, rouge, rose, des lampions, des guirlandes en papier. J'allais me promener, j'ai trouvé l'eau sur l'herbe que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. C'était pas mal comme ces petits bouts de chansons. Oui, magnifique. Voilà. Merci bien. De rien. Bon appétit. Merci. Comment ça se passe ici, la vie entre la direction et les patients, ou les résidents, parce qu'on dit plus les résidents que les patients. On n'est pas à l'hôpital. Ah oui. Comme vous dites, c'est une conception. Être résident dans un lieu quelconque, c'est pouvoir s'exprimer. Or, on ne peut pas réellement, en connaissance de cause, s'exprimer. On n'est pas pris là comme individu ayant quand même sa tête. Il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés et c'est difficile. Mais il y a des mesures à prendre pour permettre que les gens, les patients, J'ai dit les résidents. Les résidents puissent s'exprimer, donner leur opinion, d'être informés de ce qui se passe, de connaître les gens qui vous servent. Enfin, toute une série, mais ça, c'est, à mon avis, fondamental ici pour améliorer cette situation. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas trouver une réponse ? Et j'ai mon opinion. À savoir ? Oh, peut-être un petit journal d'information, une petite assemblée de temps en temps, où les gens pourraient s'exprimer. Mais parmi les résidents, vous n'avez pas des gens qui vous représentent ? Non. Il y a peut-être, mais je ne les connais pas. On n'est pas considérés. On n'est déjà plus là. On est presque mort. Et on voit disparaître des gens qu'on n'a pas connus, ni par leur nom, ni par ce qu'ils sont. Et on ne sait pas qu'ils sont disparus. Sans que vous en soyez réellement avisé, sans qu'il y ait quelque chose qui soit fait autour de leur disparition. Je ne sais pas quelle forme ça doit prendre, mais pour le trouver. Pour le trouver, absolument. Qu'est-ce que ça représente pour une jeune directrice de 29 ans, donc Eve Guillaume, d'être confrontée, alors, pas quotidiennement, mais en tout cas régulièrement, à la mort ? Je crois que quand on travaille ici, on sait que d'office, on va être confronté à la fin de vie et à la mort. Et je pense que notre mission, c'est d'accompagner le mieux possible ces personnes-là vers la fin de vie. Et quand cet accompagnement, on sait qu'il a été le mieux fait possible, qu'on a mis en place tous les moyens qu'on disposait et qu'on a fait un accompagnement qui nous semble être digne, la fin de vie est pas difficile à vivre parce que voilà, ça s'est fait en douceur et de manière apaisée. Je pense que là où ça peut être difficile quand on est directeur, mais aussi quand on est soignant, c'est quand on sait que il y a des petites choses qui auraient pu être mieux faites ou que voilà, il y a ce qui a été difficile pendant la période du coronavirus particulièrement. C'est-à-dire que là, on n'avait pas les moyens qu'on a habituellement pour accompagner, parce que les familles étaient moins présentes qu'en temps normal, parce qu'on ne pouvait pas faire venir quelqu'un d'un culte, par exemple catholique ou juif, pour venir faire les derniers rituels. C'est la question des rituels a été très compliquée pendant la période du coronavirus. Ça a été difficile à vivre par les soignants parce qu'il y a eu voilà, une coupure. Les personnes ont été mises dans des housses, ce qui était très difficile psychologiquement pour le personnel. C'était obligatoire, c'était les règles sanitaires. Des housses en plastique. Housses en plastique. Les personnes devaient pas être habillées à l'intérieur. Pour autant, les soignantes ont réussi à un peu feinter et contourner les règles, à glisser pour un petit monsieur un petit livre de prière, pour un autre un chapeau. Parce qu'on avait des directives de certains résidents qui avaient déjà choisi leur tenue, en disant, voilà, moi, le jour où je pars, je veux partir avec cette tenue. C'est le moment de la pause. Du coup, vous tombez le masque. Ça va pas être facile de travailler toute la journée avec un masque sur le nez et la bouche, non ? On n'y est pas habitué. Et c'est vrai que là, depuis le début du Covid, pour nous protéger et protéger nos résidents, on garde le masque. Mais la chaleur arrivant, c'est encore plus compliqué. Comment vous avez vécu, Isabelle, cette période de Covid ? Pour moi, ce qui a été le plus compliqué, c'est qu'on nous dise « mettez-les dans des sacs plastiques ». Ne pas pouvoir faire notre travail jusqu'au bout, ne pas pouvoir les préparer pour l'inhumation et ce sac, c'est... Non, c'est pas passé. Était-il réellement plus contagieux mort que vivant ? On s'en occupait vivant, pourquoi ne pas nous avoir laissé le faire jusqu'au bout ? Et ça aurait peut-être été moins pénible pour nous. On nous dit souvent qu'il faut qu'on garde nos distances, qu'il faut qu'on soit professionnel. Mais non, dans notre travail, c'est pas possible. L'affect est présent. Et on ne se fait pas à perdre des gens. Après, on essaye de garder toujours des souvenirs. Mais au fil des années, notre mémoire s'efface. On va se rappeler des anecdotes, on va se rappeler des prénoms, mais des fois, on n'arrive plus à mettre des visages sur les noms. Est-ce qu'il y a, par exemple, un événement marquant comme ça qui reste gravé à votre esprit ? La première personne qui est décédée quand j'ai commencé. Je m'étais occupée d'elle le soir et elle était fatiguée, elle s'était un peu oubliée. Et elle m'a dit, mais t'inquiète pas, je ne recommencerai pas, demain je ne serai plus là. Et je ne l'ai pas cru, je lui ai dit, mais non, vous êtes juste un peu fatiguée. Effectivement, elle était décédée dans la nuit. Donc maintenant, quand quelqu'un me dit qu'il va partir, j'y prête un peu plus attention. J'alerte mes collègues qu'ils fassent un peu plus attention, parce que si ça doit se faire, au moins qu'elle ne parte pas seule. Isabelle, ça fait longtemps que vous travaillez ici, à Lumière d'Automne ? Depuis mai 87, 33 ans. Chez vous, c'était une vocation, être soignante ? Au début, non. Au début, non. Et puis, j'ai appris à aimer. Ça m'a été transmis par les collègues qui étaient là à l'époque. Et au fil des années, je ne me voyais pas être ailleurs. Qu'est-ce qui vous plaît ? Les relations qu'on peut avoir avec nos résidents, qui ne sont pas toujours faciles. On passe des bons moments et des fichus quarts d'heure. Toutes les choses qu'ils peuvent nous apprendre. C'est notre mémoire vive. Ici, pour 60 résidents, vous êtes combien de personnel pour les accompagner et les encadrer ? Nous sommes en soins le matin, 4 soignants par étage. Les infirmières, elles sont une par étage. Et l'équipe hôtelière ASH sont une par étage pour le matin. L'après-midi, on est 2 soignants et une ASH hôtelière par étage. Et la nuit, les collègues sont 2 pour toute la maison. 2 aides-soignantes. Quand vous dites autour de vous ce que vous faites comme métier, comment les gens réagissent en général ? Alors si c'est des collègues, si je suis dans un hôpital, c'est « mais t'es folle, ça va pas, non ? Qu'est-ce que tu fais là-bas » Si c'est des gens, des voisins, comme ça, à la sortie toutou, c'est « ah bah oui, mais alors dis donc, vu ce qu'on entend, ils sont maltraités, ils sont ceci, ils sont cela. » Ça dépend, les réactions sont diverses et variées. Des fois, c'est « ah ben bravo, moi je le ferai pas ». Ça dépend. On a l'impression parfois qu'on cherche à cloisonner comme ça ces espaces, ces EHPAD qui seraient un peu coupés du reste du monde, de la société. Comme si on ne voulait pas voir nos vieux, comme s'ils étaient plus utiles. Ça fait peut-être aussi peur aux gens parce que c'est un miroir qu'ils ont en face d'eux. C'est leur devenir. Et on n'a pas forcément envie de voir ce que l'on peut devenir. Nous nous apprêtons à préparer le café des résidents, qui est un petit temps de rencontre informelle après le repas. Voilà, l'idée, c'est de passer un petit temps convivial qui favorise les relations entre les résidents et entre les résidents et le personnel. Il y a monsieur Montaudoin qui est là. Monsieur Fouet aussi, les deux compères. On a du mal à se séparer. On fait équipe. Cet après-midi, on va aller à la guinguette, là, au soir en Armatan. Mais non, il y a des jeux de dames, d'échecs et tout. Là. Oui, alors ça fait passer l'après-midi. Puis, si hein, on est en plein air, on est enfermé. Là. On a été enfermé 45 jours. Là. Ça a commencé à être long. Là. Bon. Oui, j'arrive, mon chéri. Et à côté de ton amour. Oui. Voilà, nous avons bien mangé. Oh, ben, on va se marier bientôt, de toute façon, hein, mon chéri. On va quand même. Hein, ils veulent. Non? Qu'est-ce que t'as comme héritage? Oh, salaud! Il paraît que vous avez été hospitalisé. Mais oui, oui, oui, voilà, j'ai. Mais c'est. Je suis rentrée. Et j'étais contente de rentrer à la maison de retraite. Mais tout va bien. Voilà, ça va bien. Ma petite fille va bien. Alors, quand elle va bien, moi, je vais bien. Voilà, c'est mon rayon de soleil, c'est, vous le savez. Voilà. Bon, mon fils, il va venir me voir. Votre prénom, c'est quoi? Nadine. 71 ans, mais bon, ben, ça va, ça va, ça va, ça roule. Ça roule, roule, roule, roule. Voilà. Peut-être qu'on pourra envisager, justement, quand l'hôpital de jour sera réouvert, à ce moment-là, que vous puissiez aller voir là-bas comment ça se passe. Oh oui, ça je voudrais bien. Pourquoi vous envisagez d'aller en hôpital de jour, alors? Parce qu'ici, il n'y a pas toujours pour sortir un peu d'ici, quoi. Voilà. Il n'y a plus? Parce que, bon, moi j'ai besoin de bouger de temps en temps. Vous avez un petit accent du Nord ou je me trompe? Je suis du Nord, oh là là, je suis du Nord de la France, du côté de Valenciennes. Ah là là, oui, le Nord, le Nord, le Nord. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Moi, j'ai travaillé dans la coiffure. Après j'ai eu mon accident il y a une dizaine d'années, quoi. Non, il y a 20 ans même. Il y a 20 ans, je me suis jetée d'un pont. Vous êtes jeté d'un pont? Oui, un pont. Bon. Et j'ai fait un an d'hôpital. Je fais beaucoup de dépression et tout. Je faisais, hein, parce que depuis que je suis ici, non, ça va. On est bien pris en considération et puis voilà. Et après la coiffure, vous avez fait quoi? J'ai été travailler aussi en Belgique. En tant que quoi? Prostituée. Prostituée? Ouais, bon. Et j'ai fait ça pendant 2 ans parce que, bon, j'étais dans la rue. J'avais 30 ans. 30 ans. Quelquefois, on peut pas rebondir, on peut pas. On fait des erreurs. Moi, j'ai fait des grosses erreurs. Parce que moi, j'avais un mari en or. C'est moi qui suis partie. Hein, voilà. En lui laissant les enfants. Je suis revenue après. Voilà, et après, je suis restée à Saint-Denis, j'ai eu ma retraite, tout ça, et puis voilà. Quoi. Et après, ça fait un an et demi que je suis ici. Il n'y a pas longtemps, hein. Voilà. Ici, vous avez le sentiment d'avoir retrouvé un peu une famille? Ah oui, ici, beaucoup même. Ici, c'est adorable. C'est adorable, voilà. Il est 13h40 et là c'est le moment de la réunion de transmission animée aujourd'hui par la directrice de l'EHPAD Lumière d'automne, Eve Guillaume. Ok. Qui était au premier ? Je fais une petite transition par rapport aux toilettes de Madame Sassion, qui urine dans sa chambre. Je sais que cette dame, elle n'identifie pas où se trouve la salle de bain. Je me posais la question de savoir s'il ne serait pas pertinent d'enlever la porte pour qu'il y ait une meilleure visibilité du cabinet de toilette. Et un picto, sinon, ça ne marcherait pas ? Les pictos, on avait mis les pictos déjà dans sa chambre par rapport à l'orientation pour le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter et le coucher. Ça n'a plus de sens pour elle. Hein. La démence D'accord. est beaucoup trop avancée. Ok, bah oui, il faudrait voir avec Monsieur Gobard dans ce cas-là. Ouais. Pour, Et de toute façon, il faut aussi qu'il réinstalle une porte dans l'ancienne chambre de Madame Cadran. Donc, comme ça, ils vont pouvoir bricoler les portes. Ok. On passe au deuxième. Il y en a qui viennent en visite en chambre, mais ils ne gardent pas leur masque. Ouais, je sais. Voilà, donc. Je referai un mail à toutes les familles pour faire un rappel sur les bonnes pratiques. Et les tactiques aussi. Je ne sais pas si c'est autorisé maintenant, les câlins, tout ça. Donc, il faut reprendre avec. Ouais. En fait, le problème, c'est que nous, on ne peut pas les fliquer. Et c'est pour le bien de leurs proches qu'on le fait. Mais donc, s'ils ne le font pas, ben, pèdent sur leur dos tout le temps. C'est ça. Mais nous, les consignes qu'on laisse, c'est le masque, c'est obligatoire, qu'ils tiennent les distances avec les autres résidents. Et si possible, avec leurs proches qui continuent à respecter les règles. Mais c'est toujours compliqué parce que ils sont adultes et majeurs et malheureusement, c'est compliqué. Ok, mais si c'est bon, bon après-midi. Madame Scholler, entre les barres, c'est parti, je vous laisse vous lever toute seule. Alors là, on arrive dans la salle de kiné. Bonjour. Un monsieur qui fait du vélo d'appartement. On fait ça deux fois par semaine, pendant 10 minutes, pour faire les jambes. Allez, on travaille le passage du pas. Et donc là, il y a le kinésithérapeute qui est en train de faire de la gym à une dame qui a des petites lunettes, un masque sur le nez et la bouche. Vous remarquerez que c'est une dame toujours très coquette, maquillée, apprêtée. Donc elle vient en rééducation comme si elle sortait en soirée. Hein. Là, on fait de la rééducation suite hémiplégie avec travail du passage du pas, travail de la marche. Donc là, vous vous concentrez sur l'appui du talon sur cette marche arrière. Prenez votre temps. Voilà, merci. C'est plus dur. Hein. Oui, c'est plus dur. Mais la marche arrière est plus dure, ce qui rendra la marche avant plus facile. Voilà. Allez, concentrez-vous. Passez bien le pas derrière. Voilà, le pied droit qui va dépasser le pied gauche. Merci. Là, on est bien. Vous venez vous asseoir et vous faites la pause. Et après, on va aller travailler avec le déambulateur. Chouette, alors. Comment vous avez atterri ici, vous, Madame Scholler ? Suite à un AVC que j'ai eu, que je suis depuis, ça fait un an. Je fais les hôpitaux, enfin, Bichat, Bretonneau, et je suis arrivé ici, et que je suis très bien ici, que j'ai bien travaillé, j'ai bien progressé. Vous n'étiez plus en état de rester chez vous, à domicile ? Ah non, mon fils ne pouvait pas faire autrement que de me mettre là. Et c'est ce qu'il a fait de mieux, parce que j'étais incapable de rentrer. Impossible. D'abord, j'ai pas l'équilibre. Votre prénom, c'est quoi ? Le petit prénom, Odette Scholler. Vous vous souvenez de vos premières impressions quand vous êtes rentrée ici, il y a un an ? Oh, ça m'a fait drôle. Même encore maintenant, hein, quand j'ouvre la porte de ma chambre, je dis, qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais là ? Vous êtes lié d'amitié avec des gens ici ? Ça commence. Oui, j'ai une très bonne voisine à table. Qu'on a fait tout de suite, s'accrocher tout de suite, au fait. Avant, on était quatre à la table, maintenant, on n'est plus que deux, parce qu'avec le confinage, ça n'a pas arrangé les choses, ça non plus. Hein. C'était une période difficile ? Bah oui, quand même. On était un peu isolés de tout, quoi. C'est ça qui est le plus triste, en fait. Pas de visite, rien, pas... Rien pour nous réconforter. Vous avez été malade, vous ? Écoutez, on me dit que j'ai été malade, mais à vrai dire, je m'en suis pas tellement aperçu. Je sais qu'on m'a mis sur oxygène et que je mangeais plus, ça d'accord, je me rappelle bien de ça. Sinon, je vois pas à quel moment j'ai été malade. J'ai pas été alité, j'ai pas... Non, alors je sais pas. Vraiment, je sais pas. Moi, j'espère, vous voyez, je ne demande pas plus. Je voudrais surtout faire du déambulateur, pouvoir marcher, pouvoir rentrer un peu chez moi. C'est tout ce que je demande. Je ne demande pas grand-chose, mais c'est ça que je voudrais. Merci, Odette. Il n'y a pas de quoi, c'est moi, le plaisir a été pour moi. Vous avez fait votre petit chemin ? Oui, mais juste là, je peux rentrer. L'appui du pied droit, vous prenez votre temps. Si vous pouvez vous profiter de ce moment-là pour regarder devant, vous savez que vous êtes stable avec le déambulateur, voilà, et je suis derrière vous. C'est très bien aujourd'hui. Je suis en forme aujourd'hui. Oui, vous êtes en forme. Oui, mais ce matin c'est mieux. Je préfère le matin que l'après-midi. Vous vous posez deux minutes et on fait le transfert, vous essayez de le faire toute seule, transfert au fauteuil. D'accord ? J'arrive. Isabelle, quelle relation vous avez avec les autres soignants ? Je pense aux infirmières, aux ergothérapeutes, aux psychomotriciennes, aux kinés. On est une chaîne. Et il faut que l'on bosse tous ensemble. Ça sert à rien que le kiné fasse marcher quelqu'un 10 minutes si nous, derrière, on n'essaye pas de suivre ce qu'eux ont mis en place. Donc je pense que c'est important qu'on bosse tous ensemble et dans le même sens. Et est-ce que vous avez le temps pour tout ça ? Je crois que plus les années passent et plus je prends le temps. Je pense qu'il faut optimiser le temps qu'on passe avec le résident, essayer de lui en apporter un maximum dans un minimum de temps, pas se focaliser sur la toilette, sur ceci, sur cela, mais y inclure énormément de relationnel et quitte à, je sais pas, un exemple, pas laver les pieds aujourd'hui et juste se poser 10 minutes pour discuter avec, et ben ça sera peut-être plus bénéfique. Mais on a, excusez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que si on force quelqu'un à se laver parce que c'est nécessaire, c'est de la maltraitance. Et si on ne le fait pas, c'est un manque de soins. C'est de la négligence. C'est de la négligence, donc aussi une forme de maltraitance. Donc, on jongle. Bon, alors vous essayez de vous asseoir cette fois-ci un peu plus au fond de la chaise. Le dos droit, toujours. Et puis, vous vous placez bien, donc les épaules bien descendues, si possible, les deux pieds en contact avec le sol. Les bras ballants sur les côtés ou sur les cuisses, comme vous voulez. Et puis, si vous pouvez, vous fermez les yeux. Oh, qu'est-ce qu'on est bien les yeux fermés. Ah, je suis d'accord avec vous. Donc, je vous laisse faire à votre rythme. Vous inspirez sur 1... 2, 3, et on y va. De manière générale, que ce soit pour les métiers des aides-soignants jusqu'aux médecins, en passant par les agents d'hôtellerie, travailler en EHPAD, c'est pas valorisant. Dans les métiers du soin, on a toujours cette hiérarchie un peu entre l'hôpital et les autres établissements. Et même à l'hôpital, entre les différents services, il y a aussi une hiérarchisation qui se fait beaucoup en fonction de la technicité. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que, du coup, pour être aussi une ancienne infirmière, la technicité, c'est pas le plus difficile dans un métier soignant. Mais que ce soit pour, à mon avis, un chirurgien ou pour une infirmière, une fois qu'on vous a appris à faire un acte, vous êtes capable de le répéter à l'infini tant que vous savez faire. Enfin, je pense qu'il y a certaines choses qu'on pourrait apprendre, par exemple, à un singe, il serait capable, par mimétisme, de le refaire indéfiniment. Ce qui est le plus compliqué dans un métier soignant, c'est plutôt d'avoir une prise en charge globale et d'avoir une réflexion clinique qui va de l'alimentation à l'activité physique, aux problèmes de sommeil. Voilà, c'est ça qui devrait être valorisé dans nos métiers. Normalement, c'est très riche pour un soignant. Il y a un terme qu'on retrouve souvent concernant le personnel qui travaille en EHPAD, Guillaume, c'est le terme de vocation. Comme si ce terme venait justifier un petit peu tous les excès, c'est-à-dire de mal payer les gens. Je pense que c'est le nœud du problème des professions de santé. Et je pense qu'il y a peu de personnes qui peuvent dire qu'un jour, elles se sont levées le matin en se disant qu'elles allaient être soignantes et donner leur vie pour les autres personnes. Et je pense qu'effectivement, ça vient de l'histoire des professions, notamment de la profession d'infirmière, où historiquement, c'est les bonnes sœurs qui étaient les soignantes et qui étaient infirmières. Et que depuis ces années-là, on a peu évolué et qu'on a essayé de laisser les soignants dans ce carcan. Si vous regardez la gouvernance hospitalière, et c'est un peu pareil des fois à l'EHPAD, les médecins ont une place prépondérante dans toutes les décisions et dans tous les conseils, et les paramédicaux sont complètement absents. Et aujourd'hui, il faut que les soignants prennent ce leadership-là et soient en capacité justement de pouvoir faire changer les choses. Est-ce que vous êtes en train de faire? Là, je suis en train de ranger mes médicaments. Parce qu'en fin de compte, moi, je suis revenue de vacances et je trouve que c'est un petit peu, je suis un petit peu perdue en fait. Alors, je fais le tri. Voilà. L'EHPAD idéal, ce serait quoi pour vous, F. Guillaume, en tant que jeune directrice? Moi, je pense que l'EHPAD, il faut vraiment que ce soit le lieu de vie. Effectivement, on accompagne plutôt la fin de vie et cette dernière étape quand elle n'est pas possible au niveau du domicile. Et je pense aujourd'hui qu'il faut développer aussi d'autres structures qui sont des structures intermédiaires, de la colocation entre personnes âgées, par exemple. On a des professionnels qui pourraient se déplacer et faire un peu du maintien à domicile avec des auxiliaires de vie, du portage de repas, des choses qui sont très organisées, mais qui soient une étape avant d'arriver en EHPAD. Je pense qu'on pourrait avoir des appartements, mais peut-être dans le parc privé, avec du logement ordinaire, avec des commerces de proximité qui sont proches, mais avec une organisation un peu sanitarisée autour, avec des intervenants qui viennent pour les soins. Et je pense que le fait de pouvoir vivre à plusieurs facilite aussi les liens et l'entraide. Quand je vois une de mes résidentes qui a 105 ans, qui est arrivée il y a un peu plus d'un an chez nous, alors qu'elle vivait toujours seule chez elle, au quatrième étage, avec des escaliers. Je pense que ce qui est difficile pour la personne âgée, c'est aussi, à un moment donné, cet isolement et devoir tout assumer seul. Donc voilà, je pense qu'il y a des étapes à trouver. Et je pense que les EHPAD, il faut maintenant leur donner les moyens de vraiment se sanitariser, de pouvoir avoir des médecins qui sont vraiment présents dans l'établissement et pas que une ou deux journées par semaine, avoir des infirmières la nuit ou qui puissent faire des astreintes. Et ce qui manque aussi dans nos établissements aujourd'hui, c'est un volet recherche. Parce que dans les centres hospitaliers universitaires, aujourd'hui, ça fait partie de la pratique courante d'évaluer les pratiques, d'aller sur des dispositifs innovants, d'évaluer ces dispositifs. Et c'est une culture qu'on n'a pas, nous, en EHPAD. Ce qui rejoint la question de la formation aussi, et du coup de l'attractivité des métiers. Ça vous fait mal ? J'ai déjà à peu près défilé tous les fils. Ce que je préférerais comme fin de vie, je préférerais carrément être bien démente et ne pas me rendre compte. Mon entourage souffrira parce que je ne les reconnaîtrai pas, mais moi je serai dans mon monde et franchement ça sera génial. J'ai eu une dame il y a quelques années qui avait toute sa tête, mais qui ne pouvait absolument plus bouger, et elle me disait « mon corps c'est mon cercueil ». Je préfère ne plus avoir ma tête, quitte à être nue dans les couloirs et avoir un bol à la place d'un chapeau, que d'avoir toute ma tête et ne plus pouvoir, me gratter le bout du nez. À l'automne de la vie, une journée dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, mais bien vivantes. Avec Jacqueline, Alain, Paulette, André, Odette, Nadine et des membres du personnel de l'EHPAD Lumière d'Automne, Eve Guillaume, sa directrice, Michel, sa secrétaire, Rose, Fatou et Isabelle, les aides-soignantes, Alexandra, la psychologue, Philippe Merel, le kiné. Merci aussi à l'ensemble des résidents et résidentes de l'établissement ainsi qu'à toute l'équipe qui nous ont accueillis avec beaucoup de gentillesse.